Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. La France libre à Saint-Pierre et Miquelon. Vous, que vous fussiez basque ou normand ou breton et quelques autres, vous êtes les Saint-Pierrais et vous l'êtes aujourd'hui plus que jamais. Bien sûr, le général de Gaulle doit vous dire que pendant la dernière guerre, Saint-Pierre et Miquelon a joué dans notre histoire, dans l'histoire de notre libération, et par conséquent dans mon esprit et dans mon cœur, un rôle magnifique. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Le général sur zone, comme on dit, en 1967. Oui, la grandeur ne tient pas à la taille. La petite colonie que les Français identifient mal sur la carte de l'Atlantique Nord, au flanc de Terre-Neuve, est depuis longtemps un nœud pour la grande pêche. Pendant la période de la prohibition aux États-Unis, elle a été un centre névralgique de la fraude aux alcools. Après la fin de cette époque whisky, une certaine léthargie l'a gagnée, mais pendant la guerre, elle va devenir une carte dans le jeu de De Gaulle face à Roosevelt et aussi, pour la discorde entre Français, une caisse de résonance inattendue. L'idée de raconter cette aventure mal connue est venue d'un entretien qu'ont eu deux jeunes Saint-Pierrais, Cédric Bortère et Frédéric Fouchard, avec le dernier Français libre de l'archipel, Eugène Théo, 98 ans. Premier acte, été 40. L'archipel est soudain isolé de la métropole et il mesure les conséquences de la débâcle dans son port qui est encombré par les bateaux de pêche qui ne peuvent rentrer et sur ses quais qui sont pleins d'hommes désœuvrés. Eugène Théo. Il y avait ceux qui venaient des voiliers, ceux qui venaient des chalutiers. Et puis donc, il a fallu occuper tous ces gens-là pendant cette période-là. Je pense qu'il n'y avait rien du sport. Il y en a qui faisaient une équipe de foot. Il y en a d'autres. Ceux qui étaient des voiliers, ils sont équipés leurs doris pour aller pêcher du maquereau. Alors, tant qu'ils partaient le matin, puis allaient, ils vendaient leur maquereau pour avoir un peu d'argent. Puis le soir, ils allaient, quand il y avait un peu d'argent, ils allaient dans les bistrots. Le maréchal Pétain avait interdit l'alcool à ceux de moins de 18 ans. Alors, tu penses, il y avait des jeunes qui allaient au bistrot, vous voyez. Les gendarmes, des fois, rentraient pour contrôler. Ça fait l'histoire de brigade. C'est une ambiance survoltée. Au port, pêcheurs de la métropole et Saint-Pierrais s'interrogent sur la possibilité de rejoindre la France libre. Les dirigeants des anciens combattants, qui sont de suite gaullistes, trinquent avec les uns et les autres au Café du Nord, encourageant les départs. La surveillance intermittente du port, par un vieil aviso Kakoshim, le Ville-10, ajoute parfois au désordre. La présence des marins de la marine nationale suscite en effet bagarre et lazzie. Quand, à l'automne 40, les bateaux de pêche, saisis par le froid, appareillent enfin pour retourner en Europe, l'équipage de l'un d'eux, l'âne de Bretagne, aurait montré ses fesses aux matelots de la ville 10. À Saint-Pierre, il est toujours utile d'employer le conditionnel. Dans l'archipel, l'administrateur, c'est Gilbert de Bourna. Il surveille sa population turbulente comme le lait sur le feu. Coupé de la France, il cherche à nouer les deux bouts. Il a été nommé par le Front Populaire, il se passerait bien de Vichy, mais il l'a rallié par raison, il a besoin de son aval pour tirer sur les avoirs de l'État français dans les banques nord-américaines, de quoi ravitailler les 4400 habitants de la colonie. Le 14 novembre 1941, par une affiche qui est encore libellée au nom de la République française, il explique comment il imagine financer la survie. Qui paye actuellement les traitements des fonctionnaires et des auxiliaires, les pensions, les secours de chômage, les allocations familiales ? Le territoire, avec de l'argent français. À qui appartiennent les dollars qui servent actuellement au ravitaillement du territoire ? À la France. La France possède, en effet, de ce côté-ci de l'Atlantique, des sommes considérables, représentées par de l'or mis à l'abri en différents endroits. Des dollars américains déposés à New York à la French American Banking Corporation et des dollars canadiens déposés à Montréal à la Banque de Montréal. Ce sont ces dollars américains et canadiens, lesquels, je le répète, appartiennent à la France, qui servent à notre ravitaillement. Qu'est-il possible de déduire de tout ce qui précède ? Notamment ceci, qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. et aussi qu'avant de prendre une décision importante, il est nécessaire de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre, et surtout d'attendre d'être parfaitement informé, ce qui, pour le moment, est encore assez difficile ici. Français de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous avez tous entendu parler du vieux bon sens français. Eh bien, en toutes circonstances, pensez et agissez donc en français. Un administrateur à Saint-Pierre a intérêt à ne jamais ménager sa peine. Et en cette période, encore plus que d'habitude. Bourna n'hésite pas à porter la contradiction à l'Assemblée de ses anciens camarades de 14 qui ne veulent pas être fondus dans la Légion de Pétain. Et il prend entre quatre yeux les jeunes qui souhaitent prendre le large. Il leur montre un planisphère. Nous ne sommes qu'une tête d'épingle, c'est pas nous qui allons changer de monde. Mais lui-même ne dispose d'aucun levier pour obtenir l'aval des États-Unis et du Canada. Tenté d'intervenir, il a promis qu'aucun navire militaire n'entrerait dans son port. Il se prive ainsi de la malheureuse ville 10. Il n'a pour se défendre que son agilité et une dizaine de pauvres gendarmes en comptant large. Le 8 décembre 1941, l'aviation japonaise en vague serrée attaquait la flotte américaine ancrée aux îles Hawaï. Fait considérable, puisqu'il ouvrait à la guerre la dernière partie des terres et des océans jusque-là intactes. Des porte-avions japonais, les bombardiers et les chasseurs ont pris leur vol. La flotte du Pacifique des États-Unis, dans sa presque totalité, était mouillée dans la rade de Pearl Harbor, où elle se croyait en parfaite sûreté. Bientôt, sous les bombes, hangars et docks prenaient feu. Les aérodromes de Wheeler et de Ford étaient écrasés. Et plusieurs des plus fortes unités américaines, des cuirassés de la classe du California, du Maryland, de l'Utah et de l'Arizona, étaient envoyés par le fond. L'entrée en guerre des Américains qui viennent rejoindre le Canada anglais change la donne. Le général de Gaulle sait que les îles ne sont pas bien grandes, mais qu'elles doivent devenir, au flanc de l'Amérique, les témoins de la détermination française. Il presse l'amiral Muselier, c'est le chef des forces navales de la France libre, d'accélérer les préparatifs de débarquement à Saint-Pierre, histoire d'offrir, pour Noël 1941, un cadeau au monde libre que l'Amérique n'attendait pas. Yvette Jauré-Guibéry. 8h30, le 24 décembre, la corvette Mimosa, commandant Biro, la corvette Alice, commandant Pépin le Halleur, et la corvette Aconite, commandant Levasseur, ainsi que le sous-marin Surcouf, commandant Blaison, font leur entrée dans le port. Ça, c'est incroyable, les gens qui voient le pavillon à Croix-de-Lorraine, le pavillon français qui au mât des bateaux. C'est une joie indescriptible. Là, les gens se réveillent, ils se frottent les yeux, ils se demandent si c'est possible. L'amiral Muselier a donc pris le commandement de cette force navale. Il est accompagné par le capitaine de frégate Héron de Villefosse et le lieutenant de vaisseau Alain Savary. Pas un coup de feu n'a été tiré. Ils sont reçus, ils sont chez eux là. En très peu de temps, des postes stratégiques sont occupés par les FNFL. Mais voilà, le gouverneur, en apprenant cela, il refuse complètement de se rallier. Alors, le récit de l'administrateur Bourna dans son livre « Le coup de Saint-Pierre ». Au moment où j'arrive à mon bureau, dont les fenêtres donnent sur le port, les navires canons braqués sur la gendarmerie et sur les bureaux du gouvernement, centre supposé d'une résistance armée éventuelle, manœuvrent pour s'amarrer au quai. Avec Charles Cormier, chef de mon cabinet, et Henri Morazé, nous nous mîmes aussitôt à rassembler les codes, les clés de surchiffrement et tous les documents s'y rapportant, et nous les jetâmes dans la fournaise du chauffage central. Nous venions à peine de terminer ce travail que Cormier m'annonça la venue d'un officier de marine, le lieutenant de vaisseau Alain Savary. « L'amiral Muselier me prie de vous demander d'aller le voir à bord de son navire », me dit très courtoisement Savary. Au moment où j'allais mettre le pied sur la passerelle, l'équipage rassemblé sur le pont du navire poussa un « Vive de Gaulle !» auquel répondirent quelques Saint-Pierrais. Je marquai un temps d'arrêt et à mon tour je criai « Et vive Pétain !» Surpris, gaullistes du navire et de terre se turent. L'amiral était entouré de son état-major. « Nous avons beaucoup entendu parler de vous, » me dit Muselier. « Nous connaissons la façon dont vous avez administré la colonie depuis 5 ans. Je vous demande d'accepter de rester à la tête de l'administration des îles. » « Amiral, » répondis-je, « il ne m'est pas possible de rester à la tête du territoire. contre la reprise du ravitaillement du territoire, j'ai donné au gouvernement américain et canadien ma parole de maintenir le statu quo politique dans les îles. Dès lors que celle-ci change de régime, il serait contraire à mon honneur de ne pas me retirer. C'est votre dernier mot ? Oui, amiral. Et l'amiral va mettre l'administrateur en résidence surveillée. Peu de mois après, les officiers de la France Libre soutiendront un film du cinéaste américain Victor Stoloff qui sera tourné sur place avant d'être projeté, notamment à Carnegie Hall. La voix off, c'est celle de l'acteur français naturalisé américain Charles Boyer, vous savez, celui dont l'accent sera imité dans Tom et Jerry. À entendre Bourna, le débarquement aurait eu lieu dans un port quasi désert. À en croire la reconstitution, organisée pour Stoloff, toute la population aurait dévalé les pentes pour accueillir les friendships de l'aïeul aux enfants. Quelque chose d'étrange flotte dans l'air ce jour-là. Un souffle venant de la mer qui fait respirer les gens plus librement. Même les enfants prennent leur petit déjeuner tout excités. Et pourquoi les gens courent-ils ? Y a-t-il un festival ? Le barbier a quitté son siège, le charpentier son banc, les pêcheurs leur filet. Au loin, sous la lumière du soleil, une puissance est en vue. La puissance d'un navire français. Voilà quelque chose d'inoubliable. Hey, attends-moi ! Ah ah, il faut te dépêcher, petite sœur. Allez, on y va. Et flotte le drapeau de la Croix de Lorraine, le drapeau des Français combattants, le drapeau de Saint-Jean. Grâce à Dieu, l'amiral Muselier commande ce navire. Et voici le Surcouf. Depuis combien de temps les Français ne se sont-ils pas embrassés les uns les autres dans la joie ? Même le barbier embrasse le serviteur. Et que font les gendarmes ? Ils saluent. Et les gendarmes et le peuple sont à nouveau réunis. À noter, c'est important que les enfants qui participent à la reconstitution appartiennent tous à l'école laïque. On aura l'occasion d'y revenir. Aussitôt, le lendemain, jour de Noël 41, le débarquement fait l'objet d'un plébiscite. Est-ce que vous êtes pour le ralliement à la France libre ? Est-il demandé aux Saint-Pierrais et aux Miquelonnais ou bien voulez-vous rejoindre les forces de l'Axe ? Le film « Les petites îles de la liberté » toujours. Et maintenant, le tambour de la ville fait un appel. Par ordre de l'amiral Muselier. Et ils se demandent les uns les autres. Devrait-on aider les nazis ou nous joindre aux Français libres ? Les gens de Saint-Pierre savaient ce qu'ils voulaient bien avant d'avoir rencontré les alliés. Ils connaissaient seulement un grand adage, les gouvernements tiennent leur juste pouvoir du consentement des gouvernés. Le colonel Savary fait l'annonce, amiral Muselier, 98% de la population de cette île sont pour la France libre. Le résultat du scrutin donne 98% pour la France libre. C'est bien le jeune Alain Savary lui-même, 23 ans à l'époque, qui a tenu son rôle dans le film. Bon, le résultat qu'il proclame est un peu arrangé. Il ne tient pas compte des nuls et des abstentions. Bourna, lui, calculera dans sa résidence surveillée 783 oui sur 1228 inscrits, avec une forte proportion de défections à Miquelon. Mais 40 ans plus tard, Alain Savary, devenu la haute figure de la gauche dont on se souvient, insiste sur l'importance de ce qu'il nomme alors un référendum. Ce référendum a une importance beaucoup plus grande que le volume des voix et le sujet posé. Car ce fut le premier vote libre, sous contrôle, plutôt en présence de consuls étrangers et de journalistes américains, où une population française avait choisi la France libre contre le régime antérieur. Enfin, ce vote n'était pas tout à fait libre. Je ne crois pas que quelqu'un ait pu faire, pendant la campagne électorale, une propagande en faveur de la collaboration. Donc la campagne n'a pas été libre, il n'y en a pas eu. Mais le vote a été libre. Et les observateurs ont constaté que même les adversaires les plus grands de la France libre votaient. Et ceci a été très important aux États-Unis pour le camp américain qui soutenait le général de Gaulle contre Vichy. Et à cet égard, la répercussion de l'affaire de Saint-Pierre a été très bénéfique pour le crédit et la plausibilité que la France, un jour dans son ensemble, par ce petit test, put avoir la même attitude et soutenir la France libre. Plébiscite, référendum, ce vote, c'est un phénomène rare pendant cette triste période, désarme le fort mécontentement de Washington, où le secrétaire d'État a d'abord parlé d'un coup de force de soi-disant Français libres, et puis aussi l'hostilité d'Ottawa et de Londres. Churchill ne laissera pas le général de Gaulle annoncer à la BBC le débarquement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et les puissances alliées, au fond, elles auraient pu débarquer, elles aussi, à Saint-Pierre et occuper l'archipel. L'opposition va venir en fait de l'intérieur. Notamment des missionnaires spiritains qui ont toujours rêvé de faire de Saint-Pierre une théocratie. Et il serait apparemment parvenu, si on en croit, la fréquentation des cérémonies religieuses. Ceci, c'est un autre film familial, commenté par André Le Bailly, dans des émissions restées fameuses dans l'archipel, les archives du presbytère. Y apparaît le nom de celui qui, sous sa bannière, va rassembler les opposants à la croix de Lorraine. Les images que vous voyez en ce moment appartiennent aux archives du presbytère. Ce sont les plus anciennes qui vous ont été présentées, puisqu'elles datent de 1936. Le sujet traité est une procession de la fête Dieu, sujet souvent traité, mais un document très intéressant. Nous sommes maintenant près du pensionnat, reposoir des religieuses. Voici les enfants de Marie. Vous voyez une jeune fille qui parle à sa voisine, qui traverse l'écran, qui va nous regarder, voilà, et qui sort de l'écran à gauche. C'est Mademoiselle Madeleine d'Etcheverry. Alors pourquoi est-ce que je la signale spécialement ? Eh bien, c'est simplement pour adresser un petit salut à M. Georges Ozan, qui est un des amis qui avait 21 ans à l'époque et qui nous a aidés à découvrir, à identifier plusieurs personnes de cette procession. Alors, voici le père Le Gallo. Vous le verrez mieux un peu plus tard. Sous le dé, vous ne pouvez distinguer personne pour le moment, mais vous verrez qu'il s'agit de Mgr Poisson, qui était évêque à l'époque. Le voici d'ailleurs, Mgr Poisson, qui lève l'ostensoir. Donc, le prêtre à genoux est le père Le Gallo. Et vous allez voir souvent les petites filles qui jettent des fleurs au moment de l'élévation. Il fallait bien réfléchir à ne pas jeter trop de fleurs pour qu'il en reste pour les étapes suivantes. Les petites filles ici qui tiennent... il fait très beau, on voit qu'il fait très beau puisqu'elles tiennent sans difficulté leur pavillon avec des petites baguettes qui étaient légères et qui se courbaient facilement quand il y avait du vent. Et au reposoir du Square Joffre, eh bien, nous sommes bien entendu près de la gendarmerie et près de la pointe au canon. C'est-à-dire que la procession descend en ce moment la route du Cap. Et maintenant, nous sommes sur le quai. Bien entendu, nous sommes en 1936, donc il n'y a pas de place du général de Gaulle. C'est le quai de la Rancière. Vous allez découvrir dans un instant, Mgr Poisson, toujours, bien sûr. Ce sera toujours lui, évidemment. Malgré l'enfer, malgré la haine, celui qu'anime un cœur fervent. Le front bien haut, l'âme sereine, chante sa foi, bannière au vent. Une fois, je fais l'image d'aimer sans peur les grands et beaux. Oh, ma mère, pour te plaire, je veux marcher. Bannière, drapeau, Mgr Poisson, ce sera toujours lui. Avant même la fin de l'année 41, il a affiché une proclamation. Il ne reconnaît la France libre ni comme un pouvoir de droit, ni même comme un pouvoir de fait. C'est pour lui une force d'occupation. Alain Savary, devenu administrateur, rend visite au printemps 42 au préfet apostolique qui est nommé directement par Rome et qui est quasi un évêque. Savary est lui-même de formation catholique et y revient consterné. Le prélat lui a dit que toute sa vie a été une longue lutte contre la République et il a insisté sur son souci premier, ses écoles libres. Savary et ses successeurs doubleront les sommes qui consacraient Bournat, mais rien n'y fera. Et Monseigneur, sous des dehors patelins, voire timoré, mènera une opposition qui ne désarmera jamais. Il cherchera même à interdire l'accès de son église à l'aumônier de la France libre. Celui-ci, qui ne manque pas d'humour, note qu'ailleurs on se préoccupe d'Hitler ou des Japonais, mais qu'à Saint-Pierre on se demande si c'est un péché mortel d'assister à la messe des Français libres. Retrouvons enfin Eugène Théo. Ma mère était plutôt, je leur ai dit pas fichiste, et comme elle obéissait à Monseigneur Poisson, c'était une fervente catholique, un peu bigote, je dirais. Et puis donc, ce que Monseigneur Poisson disait, c'était... On peut empêcher un curé de la France libre de dire la messe à la poste. Comme les gens étaient très pratiquants, ce qu'ils disaient, c'était l'évangile des petites paroles. Ben, c'était un ancien combattant aussi, le Monseigneur Poisson. Après l'arrestation, après la mise en résidence de surveiller de Bourdon, c'est Monseigneur Poisson qui a pris la relève, surtout auprès des femmes très pieuses et des gens très pratiquants. Et parmi ces curés, je pense qu'il en avait un qui était le père l'amoureux, qui était vraiment un virulent lui aussi vis-à-vis des gens qui étaient gaullistes. Et par contre, à l'île aux Marins, le curé de l'île aux Marins, le père de Brice, lui, était gaulliste. Ok. Donc, il n'est pas bien vu par Monseigneur. Que je sais que le curé de Miquelon, c'était le père Strelu, alors lui, était très dur aussi. Non, tu vas être un petit gaulliste. C'est à Miquelon, particulièrement catholique et peuplé de descendants d'Acadiens hostiles aux Anglais, que l'hostilité aux gaullistes sera la plus partagée. À Saint-Pierre, elle sera forte dans les milieux cléricaux, bien sûr, et commerciaux. L'avocat des notables, Gauvin, l'incarnera avec brio. « Je ne ferai jamais un pas pour De Gaulle », répète-t-il. Convoqué à son procès, il s'y fait porter, il n'a pas fait le pas. Les assignations à résidence forcée dans des endroits improbables, inhospitaliers, fabriquent des martyrs, Eugène Théo. Après l'arrivée des forces françaises libres, ça c'est dur parce que beaucoup des notables de Saint-Pierre avaient été arrêtés. Pour quelles raisons, je ne sais pas exactement. Est-ce que c'était des vengeances de Jean de Saint-Pierre? Je ne pourrais pas vous dire. Il y avait certaines choses, parce que je ne vois pas quel mal ils auraient pu faire. Ils pouvaient avoir l'idée pour le maréchal, mais pas pour De Gaulle. Ça, c'était l'endroit. Et l'ambiance entre Saint-Pierre et puis les données familles, c'était la discorde. Des lettres anonymes sont envoyées à Monseigneur Poisson, semer la dissension dans les familles. Et pour nombre d'enfants, par exemple ceux des écoles catholiques, il n'est pas facile de répondre au sujet du certificat d'études du printemps 42. Que pensez-vous du débarquement des Français libres? Mais la question qui va devenir de plus en plus sensible pour les plus grands, c'est celle de l'engagement militaire. Le droit de vote avait été accordé pour le plébiscite aux 18-21 ans. La France libre attendait de leur part un volontariat en retour. Selon les chiffres d'Eugène Théo, l'archipel compta 538 engagés volontaires. De nombreuses jeunes filles qui n'avaient pas pu voter s'engagèrent aussi. Yvette Jauré-Guibéry. Pendant ce temps, de très nombreux engagements pour la durée de la guerre sont enregistrés à la base d'Inval. 397 hommes, 57 femmes, et 38 mousses, des petits gars, là, des adolescents. De tous les territoires ralliés à la France libre, ce sont Saint-Pierre et Miquelon qui fourniront le plus grand nombre d'engagés volontaires, proportionnellement, évidemment. Et début 42, un groupe de jeunes filles partira pour Londres, où elles serviront pendant toute la guerre. Un autre groupe partira pour l'amirauté française à Washington. Et enfin, quatre jeunes du service de santé partiront pour gagner Alger via les États-Unis et l'Afrique du Nord. Voilà pour les Françaises libres. Il reste que les Saint-Pierrais, sujets coloniaux, ne sont pas mobilisables comme les autres Français. Et les familles anti-gaullistes entendent faire valoir cette tradition. Elles disent aussi que les volontaires de la France libre passent leur temps à les surveiller, Mais vous qui êtes acharné pour De Gaulle, pourquoi vous ne partez pas au front ? En fait, dès janvier 1942, nombre d'entre eux ont rejoint l'Angleterre. Mais d'autres, en effet, restent sur place, et c'est pas pour faire des ronds dans l'eau, comme on les en accuse. 6 février 1942, 8 juin 1942, deux des corvettes du débarquement sombre, comptant l'une 5 Saint-Pierret, l'autre 17. Traverser les champs de mines échappés aux sous-marins allemands pour escorter des convois n'est pas une affaire facile. Eugène Théo l'a fait sous commandement canadien. Je salue tous les Saint-Pierrets qui ont fait des convois, les escortes de l'Atlantique sur les corvettes, parce que c'est vraiment un métier très dur. S'il y avait des convois, vous pouvez atteindre, je ne sais pas moi, 50 et quelques bateaux écartés de je ne sais pas combien de mille entre eux. Et donc, il fallait en général une dizaine d'escorteurs. Quand un bateau était torpillé, il n'avait pas le droit de rester là pour les ramasser. Il laissait se noyer, puis pour aller couler, essayer de couler le sous-marin, puis des fois, il n'arrivait pas à le couler. Excédé, nous sommes maintenant 43 par les escarmouches des anti-gaullistes, le commissaire aux colonies de la France libre, René Pleven, fait ordonner la mobilisation forcée des jeunes hommes qui s'abstiennent jusqu'ici de joindre les troupes. 28 septembre 1943, conseil de révision. La plupart des Miquelonnais concernés refusent de s'y rendre, mais eux-mêmes sont bien forcés de partir le 11 janvier 1944. Alors que les premiers Saint-Pierrais français libres combattent de leur côté depuis plus longtemps, pourront se retrouver même dans le commando Kieffer du 6 juin 1944, les nouveaux venus voient très vite du pays, eux aussi. Afrique du Nord, débarquement avec Leclerc le 1er août, participation à la libération de Paris, débarquement de Provence, mais ce dernier contingent Saint-Pierrais combat parmi les soldats des colonies dont l'hymne est bien connu. Nous êtes enfants de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, à retenter ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui reprenons de loin, nous venons des colonies pour sauver la patrie, nous avons. Et pourtant, combien de fois n'a-t-on pas entendu dans l'histoire de Saint-Pierre ceci : nous ne sommes pas des nègres, notamment quand la France libre a imposé de substituer aux billets existants les billets qu'elle utilisait aussi en Afrique, le franc CFA. En réalité, enthousiastes ou mécontents, les habitants de l'archipel se sont retrouvés porte-drapeau de fait d'une France dont ils se réclamaient sans avoir pu le plus souvent la connaître. Et porte-parole d'une liberté à qui ils tenaient personnellement comme à la prunelle de leurs yeux depuis toujours, mais qui soudain devenait plus grande qu'eux. Et à y bien réfléchir, cette mobilisation finale, ça a été un coup de maître. Elle a réduit les fractures qui avaient pu s'ouvrir en 1942-1943. Les dernières recrues sont revenues, en ayant vu en Europe plus malheureux qu'eux. Et elles ont pu, au retour, éprouver le plaisir de regarder certains Français libres rester sur place, de surplomb. Le nouvel hôpital de Saint-Pierre porte un nom qui en dit long, le docteur Dunant, ce n'était pas précisément un gaulliste, sous la plaque qui signale son inauguration par le président Hollande. Une autre rappelle le souvenir du docteur Lebas, le médecin du Surcouf, entré en rade Noël 41 et qui avait sombré en mars 1942. Aucune plaque ne signale le souvenir de Monseigneur Poisson, le général de Gaulle, a veillé à ce qu'il fût un des rares évêques démis en 1945. Cette émission a été préparée par Cédric Borter, Frédéric Fouchard, Aurore Juvenel, Adèle Kaito, Guillaume Roux à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation. Et dans un instant, chez Fabrice Drouel, Darknet et Coupe-Gorge 2.0. Il est 15h. Vous écoutez France Inter.